Section 112 de la lecture, tome 7e. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Rémi. La lecture, tome 7e. Section 112. Stanley, sa vie, ses aventures et ses voyages, par Adolphe Burdeau. Chapitre 13. Retour au foyer. Le roi des Belges, projets ambitieux, Vivi, les chutes de Livingstone, une route en Afrique, Savourgnan de Brazza, le Stanley Pool, victoire de la France. Au foyer de Denby, dans la petite maison silencieuse, la mère attend depuis de longues années le retour de l'enfant unique qu'elle chérit si tendrement et que la destinée lui a toujours ravi. Elle a bien vieilli depuis le jour où elle pleura le départ du petit Mousse. Et maintenant qu'au cœur de l'Afrique inconnue, privée de toute communication avec l'Europe, Stanley a cessé de donner de ses nouvelles, la pauvre femme est en deuil. En vain lui parle-t-on de la gloire dont se couvre son fils. Que lui importe la gloire à elle? Qu'on lui rende son enfant? Mais elle n'espérait plus. Le minotaure africain dévorait l'un après l'autre tous ceux qui l'approchaient. Et téméraire comme il l'est, Henri, pensait-elle, aura trouvé la mort là-bas. Un jour que tristement elle allait et venait par la maison déserte, la porte s'ouvrit tout à coup, son fils était dans ses bras. C'était bien lui. Et pourtant quel ravage sur ses traits! Cet homme qui, 3 ans auparavant, portait fièrement sa jeunesse et ses cheveux bruns, elle le revoyait vieillard, la tête grise, les traits émaciés, le corps courbé par la souffrance et la fatigue. Mais les soins, l'amour maternel, la joie du triomphe, tout cela va le rétablir. Et tout bas, la mère se disait à part elle, « Ces souffrances, ces périls, l'auront enfin dégoûté de la vie d'aventure. Cette fois, mon fils me restera. » Il n'en fut rien. 5 mois après son retour, et la dernière main étant mise à ses relations de voyage, Stanley partait pour Bruxelles, où le mandait le roi des Belges, président de l'œuvre africaine. Et il jetait, avec le futur souverain du Congo, les bases premières de ce qui allait être la 3e phase de ses travaux en Afrique, la fondation d'un État libre. L'Association internationale africaine fonctionnait en réalité depuis 1877. À ce moment-là, Stanley se trouvait en Afrique. La grande artère du Congo était encore dans les limbes, et l'on avait adopté pour programme, pour itinéraire, la route qu'avait suivie le seul voyageur qui jusque-là avait traversé, de part en part, le noir continent, la route de Cameroun. C'est par ce motif que tant d'efforts furent dépensés en pure perte à la côte orientale d'Afrique. Note. Voyez Les Belges dans l'Afrique centrale, par Adolphe Burdeau. Fin de la note. Mais quand Stanley vint révéler au monde géographique l'existence de ce fleuve géant qui coupe l'Afrique équatoriale dans toute sa largeur, on mesura vite à Bruxelles l'importance de cette découverte, au point de vue de la poussée qu'on projetait là-bas. « Les fleuves sont de grands chemins qui marchent », a dit Pascal. « Pour drainer la civilisation et le commerce, quelle voie meilleure que les eaux du Congo ?» Au flanc de l'Association internationale africaine, qui eut l'humanité seule pour drapeau, se greffa donc le comité d'études du Haut-Congo, entreprise mercantile et pratique, dont la genèse fut cachée avec soin, afin de ne point éveiller la convoitise des autres nations. Mais ceci tua cela. Telle la pousse luxuriante, en aspirant les sources de la vie, finit par appauvrir et épuiser l'arbre généreux dont elle est sortie. Pour la 3e fois, Stanley reprit donc son essor vers l'Afrique. Le roi Léopold le nommait agent général du comité d'études du Haut-Congo, avec mission de créer des postes sur le fleuve, d'y acquérir des terrains, d'y passer tout contrat avec les indigènes, et de se rendre maître, en un mot, de ces vastes territoires pour y édifier à l'heure propice un état colonial relevant de la couronne de Belgique. L'entreprise dura 5 ans. Elle fut pacifique. On s'étonna même de voir que Stanley, si malmené par les indigènes lors de son grand voyage, ne fut pas contraint cette fois de livrer un seul combat. L'explication en est pourtant bien simple. On a vu dans les chapitres précédents que des Stanley Falls à la mer, la descente du Congo s'était effectuée sans attaque de la part des naturels. Or, quoi qu'on en dise, ce n'est guère que sur cette seule portion du fleuve que l'État indépendant a pu jusqu'aujourd'hui établir sa suzeraineté. Quant à la région qui va des Stanley Falls au Grand Lac, il s'en faut que la possession en soit acquise au nouvel État. On l'a vu récemment, quand les Arabes ont assiégé et incendié la station, en ont chassé les Blancs et se sont installés en maîtres dans le pays, refusant même de reconnaître l'autorité de Tipotip, leur ancien chef qui avait fait sa soumission à Stanley. Cette nouvelle expédition ne fut pas, à proprement parler, une poussée dans l'inconnu, ni même une exploration. Elle ne fourmilla pas non plus, comme les précédentes, en épisodes émouvants, en découvertes. Ce fut plutôt une entreprise commerciale. De plus, l'explorateur qui jadis affrontait le grand fleuve sur l'humble Lady Alice procéda cette fois avec une flottille de bateaux en acier, mus par la vapeur, et c'est à la tête d'une légion de Zanzibarites, de Haoussa, de Cabinda, que Stanley marcha à la conquête d'un monde nouveau, au nom et avec l'or d'un roi. En parcourant les grandes lignes de ce travail, nous trouverons avec orgueil la part qui revient à la France dans cette œuvre africaine au Congo. Car sur la route du succès, Stanley rencontre un rival heureux, l'explorateur français Savorgnan de Brazza. Pour franchir les 565 kilomètres qui séparent l'embouchure du Congo du point où il devient réellement navigable, c'est-à-dire du Stanley Pool, un quadruple travail s'imposait à Stanley. De Banana à Vivi, où il se proposait d'établir son quartier général, il pouvait emprunter le fleuve. De Vivi à Isangila, il devait suivre la voie de terre à cause des cataractes. D'Isangila à Manianga, il lui était possible de naviguer, mais avec de grandes précautions. Enfin, de Manianga au Stanley Pool, la route pédestre s'imposait à nouveau. Mais telle était la ténacité du voyageur anglais qu'en dépit des difficultés, il parvint à accomplir la tâche géante dont il s'était chargé. Triste pays, du reste, que ce Vivi, avec son chaos de rocs, ses vilaines broussailles, ses hautes herbes, son aspect froid et inerte. Labeur ingrat que celui d'infuser la vie à cette austère et sombre région, que le commerce même avait dédaigné jusque-là. Et pourtant, en moins de 5 mois, Stanley en avait fait un centre important. Une route superbe y était construite, et avec ses cottages d'un blanc immaculé, son chalet visible à longue distance et ses plantations, la station de Vivi fit l'ornement de ce coin de terre, autrefois aride et solitaire. Ce travail achevé, Stanley se remit en marche. C'est par terre qu'il se rendit à Isangila, et son ambition était de créer par monts et par veaux une route carrossable qui relia ces deux points. Car à une dizaine de kilomètres en amont de Vivi, la navigation s'arrête. C'est la région des cataractes, baptisée par Stanley Chute Livingstone, et qui sont échelonnées sur un parcours de 380 kilomètres, c'est-à-dire un peu plus de la distance qui sépare Paris de Bruxelles. La nature a enfanté en cet endroit ce monstre granitique, cette chevauchée géante que l'on appelle la chaîne côtière de l'Afrique occidentale. Et c'est pour la franchir que le Congo, irrité de cette barrière, tourne, roule, s'élance avec furie sur son lit de rochers nus et devient absolument impraticable. Ce ne sont en effet que terrasses gigantesques, que rapides et cascades, on dirait d'un escalier de titans zigzagant au fond d'un précipice, et dont les 32 marches d'inégale hauteur, de largeur inégale aussi, sont taillées dans un bloc de 200 mètres de haut. Là roulent dans des abîmes insondables et avec une vertigineuse rapidité les eaux puissantes de ce grand fleuve qui, en amont des cataractes, mesure 16 000 mètres de largeur, alors qu'en cet endroit, ses rives se resserrent au point de n'avoir guère plus de 400 mètres d'écartement. On peut juger ce que cet étranglement produit de vitesses furieuses, de courants, de tourbillons et de gouffres. Tel est le Congo entre Vivi et Stanley Pool, à l'exception toutefois de la partie qui sépare Isangila de Manianga, où, à l'aide de baleinières, on peut emprunter le fleuve sur un parcours d'environ 140 km. Donc, en quittant Vivi, Stanley dut affronter la voie de terre et se frayer une route pour transporter ses vapeurs, son matériel et les ressources de son expédition. Outre les Zanzibarites, les Haoussa et les Cabinda porteurs, qui convoyaient les objets du campement et les sections des vapeurs, on avait aussi fait l'essai de wagonnets de fer, traînés par des mules de trait et par des ânes. Et ce ne fut pas mince besogne de diriger pareille colonne à travers les défilés de cette région montagneuse. car la route que créa Stanley en cet endroit, et qui ne resta point praticable, est frayée au milieu des rochers, dans un terrible caillou-tis de quartz. Ce ne sont que murailles, crêtes, escaliers gigantesques et nus, que dominent des pics abrupts. De ça et de là apparaît un plateau où l'herbe atteint plus de 2 mètres de hauteur. Puis on traverse un coin de vallée changé en torrent. Parfois aussi, les berges des cours d'eau sont presque perpendiculaires et taillées dans le roc. Alors c'est un travail de géant que de décider les mules à franchir ces passages, où elles courent risque de se briser les jambes à chaque pas. Pour vaincre ces obstacles, Stanley ne recula devant rien. Il construisit 3 ponts, combla une 20aine de ravins et de gorges au croisement des chemins, nivela 6 montagnes, perça 2 épaisses forêts de bois dur, et parvint ainsi à établir une route absolument nette sur une étendue de 60 kilomètres. Malheureusement, depuis lors, les mauvais temps sont venus, la végétation tropicale a repris ses droits, et, faute d'entretien, ce chemin tracé au prix de 6 grands labeurs va s'effaçant de jour en jour, tout comme le maigre sentier de nos caravanes que nous ne retrouvions plus 6 mois après l'avoir ouvert à coups de hache. Du reste, sur tout ce passage, on ne rencontre que de rares indigènes chasseurs et de chétifs villages. Cette région montagneuse est pauvre, peu peuplée, et il est malaisé de comprendre comment Stanley a pu concevoir le projet d'établir un jour une voie ferrée dans une contrée aussi dépourvue de tout ce qui fait la richesse et le développement d'un pays. Enfin, l'expédition atteignit Isangila, où l'on voit les plus belles cataractes du Congo inférieur. Rien ne peut rendre la majesté et l'horreur de ce spectacle. Resserré dans une barrière de granit, le fleuve colossal se rue tout d'une volée sur les rocs dont son lit est hérissé. Il tombe en cascade, se cabre devant l'écueil, et tout empanaché d'écume, se brise en rugissant contre l'obstacle qui l'arrête. Puis, avec une rapidité vertigineuse, il file entre les îles rocheuses en creusant partout des tourbillons et des gouffres. En amont d'Isangila, la navigation redevient possible. Mais elle exige des précautions infinies, et ce ne fut qu'à l'aide de baleinières que l'expédition put gagner Manianga. Puis au-delà de ce point, jusqu'au Stanley Pool, le fleuve redevient impraticable, et Stanley dut emprunter de nouveau la voie de terre. En cet endroit, la nature a amoncelé de telles barrières de granit qu'il parut impossible aux indigènes que l'explorateur parvint jamais à traîner ses navires et ses wagonnets au faîte des montagnes pour contourner les cataractes. Aussi, le jour du départ de la colonne, on vit s'enfuir tous les naturels des alentours qui, persuadés qu'un acte de sorcellerie allait s'accomplir, s'écriaient avec angoisse « L'homme blanc va faire voler ses marins et ses bateaux par-delà les rochers. Le monde va périr !» Cependant, à l'heure où Stanley, à la tête de cette brillante et nombreuse expédition, accomplissait pareil tour de force, véritable défi lancé à la nature, un lieutenant de vaisseau de la marine française, pour qui déjà l'Afrique n'était plus une inconnue, s'apprêtait à lutter de vitesse avec le célèbre explorateur anglais. J'ai nommé Savornian de Brazza. Lorsque le roi des Belges engagea Stanley au service de ses projets au Congo, De Brazza comprit le danger que cette entreprise allait faire courir à la France, tant dans ses intérêts politiques que dans son essor colonial. Détourner du bassin de l'Ogowé le commerce de l'Afrique orientale, tel était le but évident de Stanley. C'était enlever à la colonie française du Gabon son avenir politique et son importance commerciale. De Brazza résolut de conjurer ce péril. Pour cela, il n'y avait qu'un seul moyen. S'emparer avant Stanley de la clé du Congo, du Stanley Pool, où le fleuve devient navigable. S'établir sur la rive droite qui commande les routes de l'Ogowé, de l'Alima, des excellents territoires du Nord. Et rejeter l'entreprise du roi des Belges sur la rive sud et dans la région montagneuse des cataractes. C'était hardi et logique. Était-ce praticable? Pour en juger, il faudrait redire les difficultés inouïes qu'eut à surmonter le vaillant explorateur français. Ailleurs, j'ai relaté les péripéties poignantes de cette course à travers l'Afrique inconnue, dans ce steeplechase vers le Congo. Note. Voyage de Savornian de Brazza par Adolphe Burdeau. Fin de la note. D'un côté, Stanley avec sa puissante organisation, ses vapeurs en acier, ses légions de soldats et de travailleurs. De l'autre, de Brazza avec une poignée de Sénégalais et un bien modeste subside. Aussi, quand pour la première fois il rencontra son rival au Congo, On se rappelle de quel ton dédaigneux Stanley parla de ce Français, de ce mendiant amaigri qui allait pieds nus et sans ressources. Oui, mais ce gueux portait sous sa vareuse enloque le drapeau de la France, levier bien autrement puissant que les trésors d'un roi. Il y avait de nombreux jours que l'expédition Stanley avait quitté Manianga, traversant 6 bras de rivières, une foule d'affluents et de marécages, franchissant toute une chevauchée de monts audacieux qui se succédaient comme le moutonnement de la mer. Ce matin-là, gravissant péniblement une colline abrupte, Européens, Zanzibarites et Congolais, tous paraissaient absolument exténués. On avançait encore et toujours, mais adieu les chants, les rires, les joyeux babils. Sur la caravane planait ce silence lugubre qui dit la fatigue, presque le découragement. Depuis 2 jours, on espérait arriver. Et le but fuyait, fuyait sans fin ni cesse. La colonne avait atteint le milieu de la colline, quand tout à coup le lieutenant belge, qui était d'avant-garde, rebroussa chemin après s'être arrêté un instant sur la crête de la montagne. « Monsieur Stanley, cria-t-il de loin, je viens de découvrir un lac immense. De là-haut, on en voit scintiller les eaux au loin, à perte de vue. » Stanley sourit, puis de cette voix railleuse qui lui est propre, mais qu'il s'efforça cependant d'adoucir. « Lieutenant, répondit-il, je le regrette pour vous, mais ce lac que vous croyez avoir découvert, je l'ai baptisé il y a 2 ans, je lui ai donné mon nom, c'est le Stanley Pool. » Pendant que les Européens devisaient de la sorte, la caravane poursuivait sa marche avec un nouvel entrain, et bientôt elle atteignit le large plateau rectangulaire qui couronne cette hauteur. Arrivés là, les voyageurs purent contempler un tableau merveilleux dont les indigènes eux-mêmes semblaient goûter l'ivresse. Mollement couchés au pied de la montagne et se chauffant au soleil des tropiques, une vaste nappe d'eau s'étendait à l'infini, entourée d'une ceinture d'un vert d'émeraude qui ne se flétrit jamais. Au couchant surgissaient des monts audacieux, tapissés d'épaisses forêts. Et dans ce superbe cadre, s'empourprant aux rougeurs du matin, l'onde scintillait gaiement comme un flot d'or. On était arrivé devant la large expansion que forme le Congo, à l'endroit où, en amont, il devient navigable sur une étendue de 1 700 km, c'est-à-dire sur toute la largeur du centre africain. Ce bassin, d'une forme irrégulièrement ronde, mesure plus de 300 km² et son altitude est de 352 mètres au-dessus du niveau de la mer. Sur cette immensité, qui représente le triple de la superficie du lac de Genève, apparaissent une foule de bancs de sable et d'îles couvertes de papyrus et de mangroves aux rameaux décharnés, trempant leurs racines dans l'eau comme les pattes de monstrueux scarabées. Puis de ça et de là, des bouquets de palmiers borassus à la luxueuse frondaison. Cependant, Stanley s'était arrêté, et de son œil interrogeant ces vastes solitudes, qu'il avait traversées en 1877 comme un flamboyant météore, son cœur se gonfla d'un légitime orgueil à l'idée qu'il allait en prendre possession. Soudain, son regard s'assombrit. Un profond sillon creusa son front. Là-bas, à l'horizon, sur la rive droite du Pool, il venait d'apercevoir quelque chose d'étrange, comme un drapeau qui s'agitait sous la brise. Il s'élance, et derrière lui toute l'expédition se presse anxieuse, car l'inquiétude du chef a gagné tout le monde. Parvenu à une faible distance de l'objet qui avait attiré son regard, Stanley s'arrêta de nouveau. Il pâlit, et de la main montrant au lieutenant belge la bannière qui flottait devant eux, « Le drapeau français !» murmura-t-il. C'était vrai. Et déjà, sur le seuil d'une hutte bâtie à la hâte et devant laquelle était planté un mât de pavillon, apparut une escouade de soldats sénégalais ayant à leur tête le brave sergent Malamine. Le Stanley Pool, la clé du Congo navigable, était officiellement occupé. Dans ce steeplechase vers l'inconnu, Savorgnan de Brazza, le champion français, venait d'arriver bon premier. Et prenant possession de ce territoire vierge qu'arrose un fleuve géant, il y avait planté le drapeau de la France. Fin de la section 112. Fin de la lecture, tome 7e.